France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Ladies and gentlemen, please welcome a former Oscar winner for Best Actress, currently starring on Broadway in Victor Victoria, Ms. Julie Andrews. Good evening. À certaines occasions, le comité des Oscars juge approprié de décerner un Oscar d'honneur à une personnalité exceptionnelle dans le monde du cinéma. Et ce soir, je suis ravi d'annoncer que le comité a jugé d'approprier un tel Oscar à l'un des artistes les plus estimables et créatifs, un ami cher, le metteur en scène et chorégraphe Michael Kidd. Bonjour à tous. Ce soir, c'est 90e cérémonie des Oscars. Et il y a 21 ans, Julie Andrews remettait un Oscar d'honneur à Michael Kidd, qui fut à Broadway et Hollywood l'un des génies de la danse. Il a fait danser les plus grands, Gene Kelly, Fred Astaire, Julie Andrews, Sid Charis, et créé des danses énergiques dans des films aussi célèbres que Hello Dolly ou Cancan de Cole Porter. Michael Kidd, qui aimait définir ainsi son travail, « Ma danse est basée sur des mouvements naturalistes que je rends abstraits, puis que j'élargis. » Michael Kidd est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue, le rendez-vous des amoureux de Broadway et de la comédie musicale, chaque dimanche matin sur France Musique. Et l'un des meilleurs exemples, c'est quoi? C'est le pas de Fred Astaire en gare de New York. Il sort d'un train où on l'a traité de ringard, il chante sa solitude... Mais son pas se transforme nonchalamment en danse. Extrait de The Bandwagon. I'll go my way by myself, like walking under a cloud. I'll go my way by myself, all alone in a crowd. I'll try to apply myself and teach my heart how to sing. I'll go my way by myself, like a bird on the wing. I'll face the unknown, I'll build a world of my own. No one knows better than I myself. I'm by myself, alone. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Da da da. They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on a date with me, the pickings have been lush. And yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners, you might refuse to stay. And so the best that I can do is pray. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck, if you've ever been a lady to begin with, luck be a lady tonight. Luck, let a gentleman see how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with. Luck, be a lady with me. A lady doesn't leave her escort It isn't fair, it isn't nice. A lady doesn't wander all over the room and blow on some other guy's dice. So let's keep the party polite. Never get out of my sight. Stick with me, baby, I'm the fella you came in with. Luck be a lady. Luck be a lady. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight. Luck let a gentleman see, luck, let a gentleman see. How nice a dame you can be. I know the luck way you've treated lady, other guys you've been lady, with. Luck be a lady with me. A lady wouldn't flirt with strangers. She'd have a heart, she'd have a soul. A lady wouldn't make little snake eyes at me when I've bet my life on this roll. So let's keep the party polite. So let's keep the party polite. Never get out of my sight. Never get out of my sight. Stick with me, stick baby. I'm the fella you came in with. Luck be a lady. Luck be a lady. Luck be a lady. Luck be a lady. Luck be a lady. What's the matter? Roll the dice. Roll the dice. Only about a 10-minute walk. Which way? This way. Thank you. Un des morceaux de bravoure du chorégraphe Michael Kidd en 1950 dans Guys and Dolls de Frank Loesser sur la musique de Luck Be a Lady, avec des joueurs véreux courbés pour lancer à terre des dés, des poses acrobatiques, des bagarres, des danses avec des liasses de billets ou des cartes de jeu à la main, des cascades lorsque l'une des cartes tombe au sol, une chorégraphie pour Broadway préservée dans le film avec Marlon Brando et Frank Sinatra, et une merveille d'énergie que Michael Kidd définissait ainsi. J'ai donné un rythme syncopé et une angularité dans ce numéro que le spectacle entier reflète. On vous a mis sur la page de 42e rue sur francemusique.fr cette chorégraphie pétillante conservée dans le film Guys and Dolls. Voilà, c'était tout le génie de Michael Kidd qui expliquait que pour créer une chorégraphie, il écrivait d'abord un scénario. Il était important pour lui de savoir comment l'histoire menait à la danse et de justifier cette danse. Au départ, par exemple, Michael Kidd avait refusé de travailler sur un film de cow-boy, sept filles pour sept garçons, parce que voilà, l'histoire de cow-boy solitaire intrigué par la gente féminine, leur domestication par des femmes, il voyait pas très bien comment des cow-boys pourraient se mettre à danser en plein milieu. Et puis, une fois le scénario construit dans sa tête, il accepte, il imagine des moments dansés, quitte à imposer des chansons, finalement, une fois qu'il a inventé ses danses, aux scénaristes et aux paroliers des chansons. Par exemple, il y a un bal qui se termine en bagarre générale, extrêmement chorégraphié, mais au départ, voilà, hommes et femmes élégamment vêtus se font face et se tiennent, au départ, par la main dans une danse folklorique. Glaucomora, where we come from, there is an old legend. You'll never grow old, and you'll never grow poor, if you look to the rainbow beyond the next moor. Well, that's a lovely legend. I wonder who thought it up. My father. On the day I was born, said my father, said he, I've an elegant legacy waiting for ye. 'Tis a rhyme for your lip and a song for your heart to sing it whenever the world falls apart. Look, look, look to the rainbow. Follow it over the hill and stream. Look, look, look to the rainbow. Follow the fellow who follows a dream. So I bundled my heart and I roam the world free, to the east with a lark, to the west with the sea. And I'll search all the earth, and I'll scan all the skies, till I find it at last in my own true love's eyes. Look, look, look to the rainbow. Follow it over stream. Look, look, look to the rainbow. Follow the fellow who follows a dream. Follow the fellow. Follow the fellow. Follow the fellow who follows. Come on, Sharon, let's show them a bit of an Irish dance. Dance? I hope you don't mean from me, Father. Just a bit of Irish culture. Oh, you go on with your culture then, but be careful with your arthritis then. Stand back, boys and girls. This might get dangerous. Look for the Rainbow, extrait de Finian's Rainbow, composé par Burton Lane. Le premier grand travail de Michael Kidd à Broadway en 1947, il a 32 ans, avec des danses pas du tout folkloriques comme on pourrait pourtant s'y attendre pour cette histoire fantastique autour d'un Irlandais et de sa fille réfugiée dans une vallée de l'état du Missitucky. Une danse qui fait en fait penser à des ballets classiques, tout à fait dans l'esprit de l'histoire. C'était donc Look for the Rainbow, un nouvel enregistrement de cette œuvre par Kate Baldwin, Cheyenne Jackson, Jim Norton, sous la direction musicale de Rob Berman. C'était paru chez PS Classics en 2010 et auparavant la Barn Dance de Seven Brides for Seven Brothers, enregistrée à l'identique de l'orchestration de la métro Goldwyn-Mayer par le John Wilson Orchestra. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Michael Kidd est né en 1915, il est fils d'un immigré russe et il prend ce surnom en fait en 1942 alors qu'il fait partie de la troupe du ballet Caravane qui souhaite à l'époque que les danseurs portent des noms à consonance américaine. Ses deux grandes influences se nomment Charlie Chaplin et le danseur Leonid Massine, des acteurs et danseurs expressifs qui exagère les stylisations. Il démarre à Bonne École, au Ballet Theater, où débute également un certain Jerome Robbins, qui deviendra le American Ballet Theater. Là, Michael Kidd est nommé danseur soliste et il signe même son unique création de ballet classique. C'était en 1945, on stage, dans un décor d'Oliver Smith, le futur décorateur de West Side Story, sur une musique de Norman DeLoGioia. Une fantaisie douce, touchante autour des répétitions et des auditions dans le milieu de la danse qui confronte une danseuse timide et un homme à tout faire qui la console d'une audition ratée et qui l'encourage. C'est aussi l'époque où Michael Kidd remplace Jerome Robbins dans son ballet révolutionnaire Fancy Free composé par Leonard Bernstein. Il fait partie de l'un des trois marins dans ce ballet de 40 minutes. Il y a un marin extraverti et dragueur, et puis il y a un marin mélancolique, et Jerome Robbins avait l'habitude d'interpréter le troisième, latino-américain, séducteur, qui danse de façon un peu relâchée. Michael Kidd le remplacera à certains moments, puisque ce ballet sera représenté 160 fois au Metropolitan Opera, et notamment lui revient ce solo, Dance On, composé par Leonard Bernstein. Thank you. Musique, Cole Porter est sur scène, dit six femmes, six garçons qui s'opposent et dansent de façon énergique. C'est dans une comédie musicale que Michael Kidd chorégraphie en 1953 Cancan avec notamment la star Gwen Verdon. Et puis juste auparavant, l'Orchestre Philharmonique d'Israël était dirigé par Leonard Bernstein qui dirigeait donc ce ballet composé en 1944, Fancy Free. Le chorégraphe Michael Kidd n'est pas qu'un homme de l'ombre, il dansait aussi dans ses premiers ballets et on le verra au cinéma aux côtés de Gene Kelly dans un film dont il règle les chorégraphies et qui se veut la suite de On the Town, beau fixe sur New York. Trois militaires, comme dans On the Town, au centre de l'histoire, cette fois démobilisés, qui jurent leur amitié éternelle et se fixent rendez-vous. Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Un film co-réalisé comme Chantons sous la pluie par Gene Kelly et Stanley Donen, qui ouvre d'ailleurs les hostilités entre les deux réalisateurs. Michael Kidd incarnait Angie Valentine, c'est l'un des trois militaires, et lui revenait notamment un solo intitulé Jack and the Space Giant, que Gene Kelly ne trouvera pas assez bon, parce qu'il trouve aussi qu'il ralentit un peu le rythme du film. Et cette séquence sera coupée au montage. La brouille entre Gene Kelly et Stanley Donen démarra à cause de cette mauvaise entente et de cette le fait qu'ils ne soient pas d'accord sur le fait de garder cette séquence ou pas. Je vous propose de l'écouter, ce moment, avec la voix de Michael Kidd, une maquette en fait, avec au piano André Prévin. Mais d'abord, voici un trio entre les trois militaires, interprété par Gene Kelly, Dan Daley et Michael Kidd. Vous allez l'entendre, c'est une variation autour du Beau Danube bleu. I shouldn't have come, I shouldn't have come. This thing's a mistake, an awful mistake. That guy's such a snob, and who is that hick? Can these be the guys I once thought I could never live without? This thing is a frost, I'd like to get lost. Old pals are the bunk, this guy's a cheap punk. And that one's a heel, and I'm a schlemiel. Can these be the guys I once thought I could never live without? This thing's a bad dream. Why can't I just scream? Ah! Oh, why did I fly to New York from Chi to drink scotch at noon with a hick and a goon? Can these be the guys I once thought I could never live without? This guy is a punk, a punk, a punk. This guy is a snob, a snob, a snob. This guy is a dope, a hick, a square. I shouldn't have come, I'm in despair. Our dreams are dust and down the drain. This thing is a bust and I'm insane. Oh, why did I come? Oh, why am I here? Oh, a hick, a square, a snob, a punk, a hick, a square, a snob, a punk. Ha ha ha ha ho ho ho. Ha ha ha ha ho ho. A hick, a square, a snob, a punk, a hick, a square, a snob, a punk. Why did I come? Why am I here? Why? Three, five, four, fum. Three, five, four, fum. We smell the blood of an old earthman. Be he alive or be he dead, we'll grind his bones to make our bread. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15. Four, So Jack, Fee, Fi, and Fum, please don't eat this poor earthman. If I'm alive, I can bake your bread. What good am I if you kill me dead? It's spaghetti, macaroni, minestrone, and spumoni. Pizzas, abalone, cannelloni, and tortoni. Prosciutto, ravioli, provolone, and bologna. And once you taste the genuine, you'll never want the phony. That a dainty dish to set before a king. Une maquette pour un numéro qui ne sera pas au montage dans Beaufix sur New York. C'était Michael Kidd qui chantait, accompagné au piano par André Prévin, le compositeur de ce film. Il y a un morceau de bravoure dans ce film que mettra en scène et chorégraphiera surtout Michael Kidd. C'est une danse avec les trois personnages au tout début du film. Après une soirée imbibée, voilà qu'ils se mettent à danser dans les rues de New York et... même à un moment avec un couvercle métallique de poubelle sous les pieds. Voici l'orchestre de la Metro-Goldwyn-Mayer, les arrangements à la musique d'André Prévin et on passera nonchalamment de la version disque à la version du DVD avec les percussions aux pieds. Thank you. citizens. You all's going to be moved out of here by order of the United States government. Just remember, your government is spending $1 million on one bomb just to blow your homes off the face of the earth. So show your appreciation. Don't that take the rag off of the pole? Don't that take the tassel off of the pole? Yeah. Of all the very ordinary, most of love, the necessary places on this earth, they send on yours. Yeah. They send on yours. Yeah. As sure as you're born. Yeah. They send on Autre chorégraphie de Michael Kidd pour l'adaptation en comédie musicale de la bande dessinée Lil Abner avec une musique de Gene DePaul et toute une ville moyenne américaine qui se met à danser sous l'impulsion de son maire dans un décor qui fait très carton-pâte. Un spectacle d'abord à Broadway puis au cinéma. Au cinéma, ça sera son quatrième Tony Award de meilleur chorégraphe et il en recevra en tout 5. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. La signature de Michael Kidd, c'était peut-être des danses très expressives et on dit que c'était le stomp, des marches d'un pied lourd. Il travaille aussi pour le cinéma. D'ailleurs, Frank Rich, grand critique du New York Times, explique que c'est lui qui a créé le rythme dansé de la comédie musicale dans les années 50. Son morceau de bravoure, ça sera The Bandwagon, tous en scène. Fred Astaire fait appel à lui et Michael Kidd chorégraphie sa balade au bras de Sid Charisse dans Central Park, une balade qui se transforme en pas de deux. Et puis il signe un ballet monumental de 11 minutes intitulé Girl Hunt, une parodie de polars américains avec poupées en robe très veloutées, gangsters en impair. Tous les clichés sont là, les bouges, les rues grises et désertes, les mouvements lascifs ou virils. Michael Kidd joue sur le côté glamour et fait danser tout le monde avec passion, un ballet composé par Arthur Schwartz. On va en entendre un tout petit bout. C'est narré au tout départ par Fred Astaire, mais d'abord on retourne en 1997 lorsque Michael Kidd reçoit des mains de Julie Andrews un Oscar d'honneur. So many of today's films stress the terrors that await us. Tant de films mettent en valeur la terreur qui nous attend. Peut-être que ce prix que je reçois signifie la prise de conscience que quelque chose nous manque. La vitalité et le plaisir de vivre que les films musicaux peuvent exprimer en chansons et en danse. Je remercie l'Académie pour ce prix. Je l'accepte au nom de tous les chorégraphes et surtout des danseurs qui ont rendu tout cela possible. Nous nous sentons honorés. We will be back in a moment with Helen Hunt, Tommy Lee Jones, Will Smith and another Oscar-nominated song. The city was asleep. The joints were closed. The rats and the hoods and the killers were in their holes. I hate killers. My name is Rod Reilly. I'm a detective. Et sur la page de 42e rue, pardon Fred Astaire de parler sur votre voix, sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, vous pourrez admirer quelques-unes de ces chorégraphies les plus fameuses de Michael Kidd en vidéo. Et vous pourrez aussi nous écrire pour tenter de remporter un magnifique coffret CD, DVD. Nous sommes en pleine année du centenaire de Leonard Bernstein. France Musique vous proposera d'ailleurs de nombreux événements à cette occasion et nous sommes déjà partenaires de la réédition très belle chez Deutsche Grammophon de sa comédie musicale Candide d'après Voltaire qu'il compose dans les années 50. Une œuvre ambitieuse, drôle, festive, ironique sur un homme simple qui ressort de toutes les péripéties et de tous les dangers avec le sourire. C'est un enregistrement avec Jerry Hadley et June Anderson avec le London Symphonic Orchestra dirigé par Leonard Bernstein. Un coffret avec nombreuses notes, captations filmés d'un concert et nombreux documents d'archives en vidéo. Pour le recevoir, il vous suffit de nous écrire en passant par l'onglet contact sur la page de 42e rue. Un petit extrait, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, Adolph Green, éternel ami de Leonard Bernstein, co-auteur de Chantons sous la pluie, dans le rôle de Pangloss, The Best of the Possible World. Let us review lesson 11. Paragraph 2, axiom of 7. Once one dismisses the rest of all possible worlds, one finds that this is the best of all possible worlds. Once one dismisses the rest of all possible worlds, one finds that this is the best of all possible worlds. Pray classify pigeons and camels. Pigeons can fly. Camels are mammals. Though there is a reason for everything under the sun. There is a season for everything under the sun. Objection! What about snakes? Snakes. 'Twas snake that tempted Mother Eve. Because of snake we now believe that though depraved we can be saved from hellfire and damnation. Because of snake's temptation. If snake had not seduced our lot and primed us for salvation, Jehovah could not pardon all the sins that we call cardinal, involving bed and bottle. No one to Aristotle. Mankind is one, all men are brothers. As it have done to to unto others. It's understood in this best of all possible worlds. Calls for the good in this best of all possible worlds. Objection! What about war? War? The war may seem a bloody curse. It is a blessing in reverse. When cannon roar, both rich and poor by danger are united. Till every wrong is righted. Philosophers make evident the point that I have cited. 'Tis war makes equal, as it were, the noble and the commoner. Thus war improves relations. Now on to conjugations. Amo amas amat amamus. Amo amas amat amamus. Proving that this is the best of all possible worlds. With love and kisses, the best of all possible worlds. Quoderam demonstrandum, quoedi. Quoderam demonstrandum, quoedi. Amamus amamus amamus. Quoderam demonstrandum, quoedi. Demonstrandum, in this best of all possible worlds. Et vous avez jusqu'à mercredi minuit pour tenter votre chance et recevoir ce coffret Candide paru chez Deutsche Grammophon en partenariat avec France Musique. Dans l'actualité, d'abord la disparition d'un grand compositeur, Harvey Schmidt, à l'âge de 88 ans. Vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez forcément ce morceau. Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Un extrait de The Fantastics, la comédie musicale d'après Edmond Rostand. On reviendra plus longuement la semaine prochaine sur ce compositeur Harvey Schmidt dans la 42e rue sur France Musique. Et puis, dans l'actualité aussi, un coup de chapeau à Ludovic Alexandre Vidal et Julien Salvia. Plus que jamais, ces deux auteurs, compositeurs, démontrent ouvrage après ouvrage leur amour de la comédie musicale et qu'ils savent créer des pièces parfaitement intégrées qui mêlent comédie, chant et danse. Leur nouvelle œuvre, Les Aventures de Tom Sawyer, pour un public familial, raconte les aventures de ce jeune Américain créé par Mark Twain, un peu flemmard, qui décide de partir à l'aventure et s'associe avec un jeune pêcheur solitaire, Huckleberry Flynn. Meurtre, chasse au trésor, amour, la pièce regorge de nombreuses surprises et de beaux numéros de danse, parfois très country, signé Johan Nuss, qui a signé les chorégraphies aussi de Parapluie de Cherbourg et de Wonderful Town tout récemment. Une belle troupe, quelques découvertes, dont Harry Amaoui dans le rôle Huckleberry Flynn, aux côtés de Tom Sawyer, Jimmy Costa Savelli et Megan Bonsard dans le rôle de Becky. Eh bien, à trois, c'est pas toujours facile, figurez-vous, entre l'amitié et l'amour. Pas facile de choisir pour Tom Sawyer. Voici un morceau extrait des aventures de Tom Sawyer. Je dis ça, je dis rien. On peut ralentir un peu. Je me sens pas très bien. On peut ralentir un peu. Elle se sent pas très bien. Je dis ça, je dis rien, mais là, elle nous retarde, tu vois. On ferait mieux d'acheter par-dessus bord. Madame voudrait, je crois, son petit confort. Franchement, elle peut pas faire des torts. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Et c'est pas comme ça qu'on va très loin. Becky, le défends pas, sinon nous deux c'est la fin. Mais tu fais ce que tu veux, je dis ça, je dis rien. Je le défends pas, j'y crois pas. Tu te fais mener à la baguette par cette... Cette quoi? Rien. Dis-lui d'arrêter ou je le tape. Je peux cogner plus fort. Je peux cogner plus bas. D'accord, on fait la paix. Tu rêves. Tom. Pourquoi ça tombe sur moi vraiment? J'ai rien fait. Je sais pas si je dois choisir mon camp. Là, ce qui m'arrangerait, c'est qu'il m'oublie un petit moment. Tu as t'attends, Tom. Dis-lui qu'elle a tout faux. C'est pas vrai. Vite, Tom, vas-y, mâche pas tes mots. Papa t'en voudrait, il te le pardonnerait jamais. Becky, je t'en prie. Je dis ça, je dis rien, mon gars. Mais c'est bien fait pour toi. Quelle idée de traîner avec une fille. Huck. L'amour, les fleurs, tout ça, c'est de la broutille. Tu dis ça parce que t'es seule. En plus, elle est même pas gentille. Je dis ça, je dis rien, mais lui, est-ce qu'il a l'air gentil? Tu veux mon avis, c'est un crétin. Becky, pardon, là, je crois que t'oublies que je suis dans le coin. Alors méfie-toi, je dis ça, je dis rien. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Me pousser dans l'eau? Ne tente pas. Oh, je sais nager, hein. Oui, madame sait tout faire. Bon, on se calme. Je vous rappelle qu'on est là pour sauver Meuf Potter. Je vois pas comment je vais pouvoir vous aider, vu que je suis un crétin. Becky, tu pourrais t'excuser. C'est pas de ma faute si je le trouve bête. Bête comment? Sur une échelle de 1 à 10, je te mets facile 18. Je vais l'emballer. Allez, allez, allez, on fait la paix. Et vraiment cette fois. Oh, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous sur ce coup-là. Je dis ça, je dis rien, mais là, faut si faire équipe, rien, je crois. Faut il faire va bien équipe, falloir je crois. Il va bien falloir que ce soit. Ça va être dur pour moi. Je serai forte, pas le choix. Il faut bien qu'on s'en sorte. Je dis ça, je dis rien, mais je crois. Je dis ça, je dis rien, mais je crois qu'on va se lancer parfois. J'en pense à moi. Et nous voilà arrivés sur l'île Jackson. On fait la paix, on avance main dans la main. On va se battre ensemble, on va sauver une même Potter. Qui sait tout ce qui nous attend au bout du chemin. Vous serez peut-être amis, ou peut-être pas. Je dis ça, je dis rien. Les aventures de Tom Sawyer, c'est à découvrir en matinée. Figurez-vous que c'est le dimanche matin à 11h, en même temps 42e rue, mais on vous conseille d'y aller et de nous podcaster après. C'est au théâtre Mogador. Ludovic, Alexandre Vidal et Julien Salvia, les auteurs, seront d'ailleurs mardi et vendredi à l'honneur de la prochaine soirée de Broadway au carré. C'est à la Comédie Nation à Paris. 42e rue, cette rue est la vôtre. Vous pouvez la commenter, vous pouvez nous envoyer vos envies, vos suggestions. Vous allez sur la page Facebook de 42e rue ou sur Twitter. Le hashtag, c'est très simple. C'est hashtag 42 rue. 42e rue, toute une équipe, Laurent Vallière, Martine Moni, à la technique ce matin, YouTube Diego Hac Lopez et à la réalisation Perrine Mingui. Restez avec nous dans un instant, c'est Jean-Baptiste Urbain qui vous attend. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.